L'AFU, aide au freinage d'urgence, permet de renforcer le freinage en cas d'urgence, réponse A, de freiner à la place du conducteur, réponse B, d'améliorer la tenue de route, réponse C.